listening to Overdrive on Radio Dio. Invasion, intergalactic space, crusader. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Duo. En ouverture, Star One et ce superbe album Space Metal sorti en 2002. On y retrouve d'excellents chanteurs donc par ce projet initié par Arjen Anthony Lucassen, qu'on a connu bien entendu au sein de Arion. Donc on est un peu dans une extension ici de Arion, toujours de nombreux chanteurs, même si ce groupe-là, la différence d'Arion, c'est qu'il a tourné, notamment pour défendre ce premier album. On retrouvait Sir Russell Allen de Symphony X, Flora Jensen, After Forever, maintenant dans Nightwish, Dan Swano, producteur également dans Nightingales, voilà. Et un concept autour de la science-fiction et de nombreux films qui ont inspiré Art Anthony, Arjen Lucassen. C'était le morceau Intergalactic Space Crusaders sur lequel les harmonies vocales faisaient tout simplement des merveilles. Voilà, on va commencer l'émission Overdrive ce soir avec une grosse sortie. Ce sera le père Sebastian Bach qui ne revient avec cet album Child Within the Man. L'ancien chanteur de Skid Row refait ou fait encore une fois du pied à ses anciens comparses du groupe américain en disant tout simplement dans les interviews à qui veut bien l'entendre que si les musiciens de Skid Row sont prêts à le reprendre dans le groupe, lui, il est tout ouvert pour ça. Et on a l'impression un petit peu qu'il attend que ça et que cet album sert un petit peu de prétexte pour relancer son groupe phare. Néanmoins, ça reste un excellent album. On a une très bonne production. Pas mal de bonnes choses, également des invités ou alors des morceaux qui ont été coécrits avec d'autres personnes comme ce Freedom qui a été coécrit par Johnny Five que l'on connaît maintenant au sein de Motley Crue. Voilà, on va envoyer ça tout de suite. Sebastian Bach, un excellent chanteur. Donc, même s'il est peut-être un petit peu mégalo, puisqu'on le voit maintenant tout simplement apparaître trois fois sur la pochette de son album solo, Child Within the Man, avec le morceau Freedom. Your soul ain't mine to save. Ain't never gonna Yes, Sebastian Bach, Freedom, extrait de cet album Child Within the Man, ça paraît sur Raining Phoenix Music. Et c'est quand même pas mal du tout. J'avais quand même beaucoup apprécié le dernier album en date de Skid Row, The Gang's All Here, avec le chanteur suédois, l'excellentissime chanteur suédois, Eric Grönwall, qui est malheureusement parti du groupe il y a de ça quelques mois, tout simplement, et même quelques semaines, dû à des problèmes de santé. C'est dommage, parce que cet album qu'ils avaient fait ensemble, moi je l'avais trouvé vraiment sympathique, et j'espérais voir le groupe au complet sur scène. Peut-être que ça nous mènera à une reformation de Skid Row avec ce chanteur Sebastian Bach, bien entendu, chanteur phare du groupe dans la fin des années 80, début des années 90. Qu'est-ce qu'ils ont comme option de toute façon à l'heure actuelle? Happiness Bastards, dernier album en date du groupe The Black Crowes. On en avait passé un morceau il y a de ça quelques semaines. Voilà aussi un groupe qui avait arrêté de nombreuses années. Il me semble que le dernier album qu'ils avaient sorti, c'était en 2009. Et ils nous reviennent avec ce Happiness Bastards, qui est vraiment super sympa. Donc ils n'ont pas vraiment changé leur fusil d'épaule. On a toujours une musique d'inspiration très 70s, une très bonne prod. Un groupe qui a pu influencer peut-être des groupes comme les Blackberry Smoke, ou même dans une certaine mesure également les Rival Sons, donc des groupes d'origine d'influence 70s, mais qui ne sont pas passéistes pour autant. Wanting a Waiting par Black Crowes tout de suite. bon hard rock traditionnel, Junkyard Drive, avec cet album Look At Me Now et le morceau Shoot From The Hip. C'est sorti sur le label danois Mighty Music. Voilà, on va continuer maintenant avec ce groupe français qui nous sort ce single Get On Me. Ça s'appelle Last Temptation tout de suite et vous écoutez toujours Overdrive Radio. Il est 21h passé de 54 minutes. If only I could set you free. You better go and get on me. I'm gonna die, you see. Yes, voilà pour Last Temptation. Et maintenant, on va faire un changement assez radical de style avec Orkis qui nous sort cet album Legend qui nous semble influencé par d'anciennes légendes, particulièrement des légendes irlandaises comme sur ce The Scream of Banshee qu'on va entendre tout de suite. Voilà, pour du metal à tendance, on va dire, symphonique et à la fois un petit peu, on va dire, folklorique. Ce sera Orkis Legends avec The Scream of a Banshee. Voilà, vous venez d'entendre New Horizons avec ce King of Kings par ce projet qui a été créé par le claviériste du groupe Heat, Jonati, sur lequel figurait sur le premier album le chanteur justement de Heat, Eric Grunwald. Donc là, puisqu'il était maintenant dans Skid Row, il ne s'agit plus de ce même chanteur. Je ne connais pas le nom d'ailleurs du nouveau vocaliste. Néanmoins, on pourrait lui prêter une certaine appartenance, bah, plutôt une certaine, on va dire, accointance avec un Joey Tempest d'Europe. On est assez proche justement des anciens Europe qui étaient un peu plus heavy metal. Voilà, on va rester maintenant dans le suédois et dans le très bon suédois avec le groupe Evergrey qui nous sort son nouvel album Theories of Emptiness le 7 juin prochain sur Napalm Records. Ce sera leur 14e album studio. Ils viennent d'annoncer qu'ils changent de batteur, donc le batteur qu'ils avaient depuis maintenant une petite vingtaine d'années a décidé de poursuivre d'autres carrières un peu plus basées sur le studio que sur la scène. À mon avis, il devait être fatigué de tourner puisque c'est quand même assez éreintant. Et extrait de ce dernier album, la qualité est toujours présente chez Evergrey, ce sera Falling from the Sun. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo, il est 22h passé de 10 minutes. We'll be right back. We fall one by one. We need a week, some ways to feel, or keep on falling. Falling from the sun. Darkness win. Sorti sur la clonosphère d'une esthétique très 70s, vous venez d'entendre le groupe Jeans avec ce morceau titre Mirrors qui vient de voir le jour. Et on va rester cette fois dans un post-metal, là aussi assez lancinant, long morceau au compteur, cette fois maintenant instrumental. Ce sera le groupe Maudit qui nous sort ce nouveau troisième, même deuxième album complet suite à deux EP. Ce sera Précipice, sorti sur Source Untone Records avec le morceau Seizures pour une longue plage instrumentale par Maudit. Thank you. Et une fin toute évanescente pour le groupe Modi avec Seizures, extrait de ce deuxième album complet, voilà, sorti sur Source Atone Records. Ce sera le morceau, enfin l'album Précipice. On continue avec quelque chose de beaucoup plus direct, plus enjoué, peut-être moins technique, etc. et cérébral. Ce sera le dernier album du groupe Pain qui s'appelle I Am, une certaine définition un petit peu de sa propre identité ici. Ça vient de sortir sur Nuclear Blast. C'est un très bon album. Maintenant, Peter Tadgrain collabore avec son fils Sébastien qui est assez porté sur les programmations. Et c'est un très bon cru après un Coming Home qui était paru en 2015 et également les albums enregistrés en compagnie de Lindman et du chanteur Jolin Turner. Et puis bien sûr de Hypocrisy. Peter Tadgrain nous revient avec ce Pain, I Am, et on s'envoie tout de suite le morceau Don't Wake the Dead. Vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Yes, vraiment excellent que cet album de Pain. Donc Wait the Dead, extrait de l'album I Am. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Duo. Il est 22h maintenant, passé de 40 minutes sur le 895 de Duo. On revient avec peut-être la plus grosse sortie, l'une des plus grosses sorties de ce 17 mai. Il s'agit du premier album solo de Kerry King, qui nous revient en solitaire. Alors, ces derniers temps, on n'a pas vraiment trop compris ce qui se passait avec le clan Slayer, puisque à peu près au même moment où Kerry King a lancé sa carrière solo, tout simplement Slayer a annoncé des dates pour l'automne prochain, pour un festival aux États-Unis. Voilà, bien entendu, tout le monde s'est demandé ce qui se passait. Et néanmoins, voilà, il s'agirait simplement d'un concert unique, pourquoi pas. Néanmoins, ça a été un petit peu difficile à comprendre sur le moment. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Kerry King est accompagné de Paul Bostaff, avec qui il jouait bien entendu dans Slayer sur les dernières années. Kyle Sanders, le frère du bassiste-chanteur de Mastodon, Carl Sanders, à la basse là aussi. Phil Demel, bien entendu, on le connaît au sein de Machine Head et de Violence, et Mark Osgeda de Death Angel au chant. Voilà, donc Kerry King ne s'est pas vraiment caché qu'il ne voulait pas vraiment changer de style de musique, qu'il voulait tout simplement un peu faire comme du Slayer sans Tom Araya, et bah, il y arrive plutôt bien sur ce From Hell I Rise, tout de suite, qu'on va envoyer avec le premier single qu'il a publié. Ce sera Idle Ends, et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo pour ce bon vieux Kerry King des familles. Voilà, alors je serais curieux de voir ce que ça donne sur scène. Si on va avoir quelque chose de différent, à mon avis le groupe va quand même jouer un petit peu de Slayer, ça serait quand même étonnant sinon. We'll be right back. Yes, Slayer tout de suite avec ce Idle Hands from L.I. Rise, premier album de Kerry King. Kerry King, ici on est quand même très proche des, du son de Slayer, avec la voix quand même de Mark Osgeda qui est assez rafraîchissante. On va rester dans le bon vieux trash avec un excellent groupe français qui nous sort cet album sur MNO Music. Ça s'appelle Dead Tree Seeds. Ils nous viennent, il me semble, du nord de la France, en tout cas plus au nord que Saint-Étienne, ça j'en suis à peu près sûr. Et ce sera Toxic Thoughts, le morceau titre de ce nouvel album, des influences un petit peu de la BREA, notamment sur cette intro que je trouve proche d'un Megadeth. C'est pas pour me déplaire, tout simplement Dead Tree Seeds. We'll be right back. Voilà, on va terminer Overdrive ce soir avec Moisson Livide, ce side project des membres de Boisson Divine, dans un style un petit peu un peu plus extrême que ce qu'ils font dans leur groupe principal. Ce sera toujours en gascon avec ce premier album qu'on va écouter tout de suite avec ce titre, Lomi Xens Passat. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radiodio, Overdrive Radio Dio sur Instagram également, les liens des podcasts hébergés sur la plateforme Mixcloud. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.